précisément parce que des gens qui nous ont envoyé beaucoup des mails pour nous raconter spontanément leur histoire, leur parcours, des tranches importantes de leur vie, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de ces témoignages-là. Notre devoir, c'est d'être complotiste pour dénoncer les comploteurs. Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV? Qui? Ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Ni oubli, ni pardon pour tous ces enfoirés. Rien. Sachez bien que vous allez payer. Réveillez-vous! Tout est calculé! Du complotisme, de la désinformation, du harcèlement, ça a été très très très dur. Je réalise que les personnes qui rentrent dans ces récits complotistes sont en train de se créer une réalité alternative. Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse Weiss, bienvenue dans Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. C'est un épisode un peu spécial que nous vous proposons aujourd'hui, puisque contrairement à d'habitude, vous n'entendrez pas de témoignages. Enfin si, mais le mien, ainsi que celui du journaliste Victor Motin, avec qui je fabrique ce podcast. Il y a quelques jours, nous étions invités à parler de notre travail, en public, dans le cadre du festival d'éducation aux médias En quête d'infos. Cette année, la thématique est s'informer à l'heure de la post-vérité, c'est-à-dire s'informer à une période où l'idéologie et la croyance l'emportent sur la réalité des faits dans notre société. C'est à ce titre que Raphaël Casadessus, l'animateur de cette rencontre, a souhaité nous donner la parole. L'occasion d'expliquer nos méthodes de travail, d'esquisser des pistes pour la suite et de tirer des enseignements de ses nombreux témoignages. Et puis aussi d'entendre Victor, c'est plutôt rare, assez intarissable sur le sujet. Alors bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la médiathèque Virginia Woolf pour la rencontre avec Victor Motin et Héloïse Weiss, les journalistes qui produisent le podcast Réveillez-vous. Alors je vais commencer par vous poser les premières questions de cette rencontre, mais nous ferons passer un micro dans le public pour que vous puissiez vous-même échanger avec Victor et Héloïse. Avant de parler de votre travail et du podcast, pouvez-vous vous présenter ? Oui, donc je suis journaliste indépendante depuis bientôt 5 ans. Donc je travaille pour des médias dits news, en fait, où je fais de l'actualité quotidienne, où je traite une thématique par jour et j'en fais 1 minute 20 pour les journaux de radio. Et à côté de ça, je fais aussi du podcast. Donc le podcast, c'est... vu que vous êtes auditeur, vous le savez, beaucoup plus long et des fois les sujets sont assez différents. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité d'aller dans l'intime des interlocuteurs et des interlocutrices. Et donc depuis un an, j'ai la chance de travailler avec Victor, qui est aussi un ami. Voilà, c'est pas un secret, en fait, on se connaît depuis bientôt 8 ans, 10 ans. Donc en fait, on s'est rencontrés avant de faire notre métier. Voilà. Et donc, moi, je m'appelle, comme Héloïse l'a dit, Victor. Je suis journaliste depuis maintenant 4-5 ans. Et je travaille à Conspiracy Watch depuis à peu près autant de temps. C'est mon premier emploi de journaliste. Je travaille à plein temps à Conspiracy Watch. J'ai un peu piégé pour d'autres médias avant, encore un peu maintenant, mais voilà, je suis surtout à plein temps là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas Conspiracy Watch, c'est un média qui porte sur l'analyse et le décryptage des phénomènes complotistes. Donc voilà, moi, mon travail, pour résumer grossièrement, c'est de documenter, de lutter en quelque sorte contre le complotisme, les fake news, la désinformation. Et ça fait il y a 2 ans, j'ai eu l'idée avec Perrine Bontemps, qui était la prédécesseuse d'Héloïse pour la saison 1, de créer le podcast Réveillez-vous pour donner la parole aux personnes, aux personnes qui subissent le complotisme au quotidien. Donc ça, c'est un éventail assez large de personnes, mais voilà, pour donner une dimension un peu plus personnelle, individuelle à cette thématique-là du complotisme. Et comment est-ce que vous préparez ces entretiens ? Comment on prépare ces entretiens ? Il y a plusieurs façons. D'abord, on a la chance, c'est un peu rare, mais on nous écrit en fait. Ça, c'est pas toujours le cas en rédaction type généraliste. En général, on va chercher l'information. Et là, comme c'est un média identifié un peu sur une thématique particulière, il y a aussi des gens qui nous écrivent et donc pour nous raconter leur histoire en lien avec le complotisme. Donc c'est par mail souvent qu'on nous écrit, on découvre leur histoire. Dans un premier temps, on va leur passer un coup de fil pour savoir s'ils ont envie un petit peu de nous en dire plus par téléphone d'abord. On gratte un petit peu leur histoire. Et puis, si ça les intéresse qu'on continue de creuser ensemble cette histoire, on leur dit, bah voilà, est-ce que vous seriez en mesure de produire une frise chronologique de ce qui vous est arrivé de cette histoire du début à la fin. Donc, si c'est un proche qui est devenu complotiste, quels sont les signes ? Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs ? À quelle théorie, à quelles idées cette personne proche a commencé à adhérer ? Qu'est-ce que ça a produit dans votre vie, dans sa vie ? Donc, c'est des questions quand même assez intimes. Et donc, voilà, on demande de produire un peu cette frise. Pour la petite histoire, on n'a pas eu l'envie de faire le podcast et donc on n'a pas fait un appel à témoignages pour récupérer les témoignages. C'est précisément parce que des gens qui n'avaient pas l'idée que le podcast allait exister nous ont envoyé des mails pour nous dire, pour nous raconter spontanément leur histoire, leur parcours, des tranches importantes de leur vie. Et donc, se confier spontanément à nous, qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de ces témoignages-là. Surtout qu'à Conspiracy Watch, notre travail, il est un travail de journaliste. On envisage le complotisme comme un phénomène de société qui met en danger le vivre ensemble, la démocratie. Mais on l'aborde très rarement d'un point de vue individuel, par l'aspect de comment ça impacte les familles, comment ça impacte des relations amicales, même parfois des relations amoureuses aussi. Et en recevant ces témoignages-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on en fasse quelque chose, que c'était une matière hyper intéressante. On en recevait vraiment beaucoup de mails de manière spontanée. Des gens nous écrivaient un peu comme en cherchant un peu une bouée de sauvetage, en quelque sorte, parfois. Il y avait des gens qui étaient assez désespérés ou qui demandaient des conseils aussi, qui cherchaient... mon ami est comme ça, qu'est-ce que je pourrais lui dire, qu'est-ce que je dois pas faire, qu'est-ce que je dois faire. Alors, on n'a pas la réponse, on n'a pas tout le temps la réponse, au contraire. Mais on s'est dit justement, pour essayer de trouver la réponse, en tout cas d'esquisser des débuts de réponse, on allait rencontrer ces gens, leur donner la parole longtemps, les mettre dans des conditions qui puissent faire qu'ils se sentent libérés pour parler de ça. Et voilà, mais c'est vraiment parce qu'on a eu cette ressource-là qui est venue à nous qu'on a décidé d'en faire quelque chose. Et pourquoi avoir choisi le podcast plutôt qu'une autre forme de média comme la vidéo ou l'écrit ? Ça peut-être je peux répondre. C'est aussi des histoires de vie pas toujours faciles déjà, d'un point de vue très pratique. La radio, il n'y a pas d'image, donc je pense que le dévoilement de la parole pour nos interlocuteurs, interlocutrices, il est peut-être plus simple. Voilà, il y a un filtre déjà, donc ça permet de dire les choses peut-être plus à bâton rompu. Il y a cette possibilité d'être anonyme, qui est un point quand même assez central dans nos épisodes. Parfois, ces personnes n'ont peut-être pas envie que leur famille tombe dessus. Peut-être que ça peut aussi présenter un danger. Et donc, c'est une forme de protection aussi, le fait qu'on utilise le podcast. Et puis, je pense que c'est intéressant parce que c'est aussi des histoires... qui ont beaucoup d'émotions en fait, on raconte un peu des drames dans leur existence, des moments où les relations familiales elles s'étiolent au fur et à mesure, et ça je pense que c'est très fort en radio, donc ça a un intérêt aussi émotionnel si je puis dire. Et puis en termes de montage, ce qu'on aime bien faire avec Victor, c'est aussi faire croiser l'histoire individuelle et un peu plus collective. C'est-à-dire que c'est des histoires qui se passent pendant le Covid, par exemple, pendant les Gilets jaunes. Donc il y a tout cet aspect actualité. On a tous vécu d'une façon ou d'une autre les Gilets jaunes, le Covid. Donc on a tous des sons en tête et des sons du journal télévisé. Enfin voilà, plein de choses. Et donc c'est pas mal en fait, via le podcast c'est assez facile, ça demande beaucoup de montage, mais c'est pas mal d'avoir cette bande son de construire cette bande-son voilà, entre eux, cette histoire individuelle et cette histoire collective. Mais alors si Réveillez-vous est principalement un podcast où vous interrogez des proches de complotistes, est-ce que vous avez déjà envisagé d'interroger directement des complotistes ? Alors oui, c'est compliqué comme question, c'est éventuellement quelque chose vers lequel on aimerait tendre. Ce qu'on a fait dans la saison 2 en tout cas, c'est donner, on est très content d'avoir eu accès à ces témoignages-là, c'est de donner la parole à des, ce qu'on appelle de manière un peu barbare, des repentis. C'est-à-dire des gens qui ont été complotistes et qui ont réussi à évoluer, qui ne se sont, entre guillemets, alors c'est leur mot, hein, déradicalisés, c'est comme ça qu'ils le disent. Et donc on était très contents d'avoir ces témoignages-là, qui sont des témoignages rares, parce que la parole est très difficile pour eux, enfin la parole, très difficile de prendre la parole pour raconter ces choses-là, il y a une forme de honte un peu parfois, donc c'est encore plus compliqué pour les repentis de s'exprimer. Donc on a eu plusieurs témoignages de personnes qui nous racontaient. Alors on a un témoignage de Julien qui est un ancien ufologue par exemple, qui est venu témoigner dans nos bureaux, qui a traversé une partie de la France pour venir nous rencontrer. Et donc se pose la question de est-ce qu'on aimerait bien aussi rencontrer des gens qui sont encore complotistes. C'est un débat qu'on n'a pas tranché. Est-ce qu'ils accepteraient de nous parler ? C'est déjà peut-être un peu pas forcément le cas. C'est même loin d'être sûr. Est-ce que nos auditeurs ont envie d'entendre ? Est-ce que ce serait pas un peu casse-gueule, hein, pour le dire de manière un peu triviale ? En tout cas, c'est des questions qu'on s'est déjà posées. Peut-être que le podcast évoluera vers ça, c'est pas sûr du tout. Mais c'est aussi parce que c'était pas le temps au départ. Le temps, c'était... on parle beaucoup de complotisme à travers les figures complotistes. Mais justement, l'intérêt de ce podcast, c'était de faire entendre en quoi ces théories, ces idées rentraient dans la vie des gens et pouvaient les bouleverser. Et donc, ça, c'est des histoires qu'on entend... finalement, depuis peu de temps. Et est-ce que vous avez perçu justement un effet libérateur, cathartique chez les proches de témoignages, dans l'opportunité que vous leur donnez de pouvoir raconter leur histoire ? Je ne sais pas exactement, c'est difficile, on n'est pas dans leur tête, mais je pense que ces personnes qui ont accepté d'en parler, qui ont voulu en parler, elles l'ont fait aussi pour que d'autres personnes puissent se reconnaître, pour qu'on sache que ça existe, pour raconter aussi qu'il ne faut pas en avoir honte. Il y a quand même quelque chose d'assez libérateur, c'est que la plupart des gens, quasiment tous, nous ont confié qu'ils étaient ravis d'avoir pu participer, que ça leur a fait beaucoup de bien, surtout ils ont du mal à en parler à leurs proches aussi, parce que c'est pas quelque chose qui intéresse forcément, c'est un sujet qui est un peu lourd, c'est corrosif, ce sujet-là, on n'a pas forcément envie de parler du complotisme à Jeanne 4, c'est quelque chose, on n'a pas forcément envie d'y aller quoi. Et du coup, pour ces personnes-là, l'existence même du podcast et le fait de pouvoir se confier a été... pour certains d'entre eux, vraiment quelque chose qui les a marqués. On l'a dit, ils nous ont renvoyé des messages derrière. Pendant l'entretien, on l'a bien senti. Et que même la démarche de venir témoigner face à un micro de son vécu, de choses qui sont fortes, c'est une démarche qui est pour la plupart des gens longuement réfléchie. Et donc qui, du coup, leur permet aussi de poser des mots sur plein de choses. Et comme nous, on demande un travail préparatoire en amont pour les personnes qui témoignent assez conséquent, on leur demande, comme tu l'as dit, donc on leur passe un coup de téléphone, on leur demande d'écrire un texte pour résumer un peu leur histoire, mais le texte, il peut être parfois très long, et on leur demande de faire une frise chronologique, donc ça leur demande de se replonger dans des souvenirs dans lesquels ils n'ont pas forcément envie de se replonger, mais dans lesquels ils vont être obligés pour le podcast, et ça vient... Il y en a beaucoup qui nous parlent de ça comme avec en disant que c'était presque une séance de psy. Et c'est vrai que nous, des fois, on sort de l'entretien, on se dit mais là, on est à la frontière entre... on fait du journalisme et on fait presque, pas une thérapie, le mot est un peu fort, mais on est... c'est fort, quoi. Même si je pense que c'est important de ne pas se poser, avoir cette posture. Mais je suis aussi impressionnée par le recul de ces personnes à chaque fois qui racontent leurs histoires, comme tu l'as dit, c'est elles arrivent aussi à avoir une analyse de la situation. On sent qu'ils ont beaucoup réfléchi. Ouais. Ah ouais. Et d'ailleurs, deviennent à peu près tous experts du sujet à la suite. C'est la plupart des gens qu'on a interviewés ont fini experts du complotisme, enfin experts ou quasi experts du complotisme, des informations. Et ont vraiment développé une analyse sur le sujet qui est vraiment pertinente. Et donc voilà, donc, ce parcours personnel les conduit à un intérêt qui est presque un intérêt maintenant intellectuel. Et justement, en 2 ans d'entretien avec soit des proches, soit des victimes, soit des repentis du complotisme, qu'est-ce que ça vous a appris sur les mécanismes du complotisme ? Ça nous a surtout confirmé plein de choses. Il y a plein de choses à dire. Ce qui ressort le plus des 16-17 entretiens qu'on a pu faire, on enlève un peu les personnalités comme Karine Lacombe, Thomas Huchon, parce que c'est un peu à part, mais des anonymes. Est-ce qu'on en parlera après ouais, c'est vraiment un truc moi qui m'a marqué, c'est la place de figures charismatiques on va dire, la conversion complotiste. Donc, je pense vraiment... une personnalité comme Didier Raoult qui a été vraiment énormément de... Alors que ce soit dans les messages qu'on a reçus par mail, qui ne font pas forcément partie de Réveillez-vous, mais aussi des témoignages qu'on a pu avoir, c'est à quel point cette figure-là, donc de Didier Raoult, a été une forme de guide, de passage vers l'au-delà complotiste, en quelque sorte, pour ces personnes-là, ces proches. Alors, il y a d'autres figures charismatiques, et je pense notamment à la figure d'Alain Soral, qui est revenue beaucoup de fois. Alors, ça, c'est pour les plus vieux, et qui est quasiment présent à chaque épisode qu'on fait. Et donc, voilà, il y a cette présence de figures charismatiques qui entraîne les croyants, les adeptes de théories complotistes encore plus loin, et qui leur permet d'être une figure à laquelle se raccrocher. Autre chose qui nous a. Internet. Alors ouais, et ouais, il y a 2-3 épisodes comme ça où on nous raconte que c'est l'apparition du premier ordinateur à la maison qui fait que, dans le cas de la mère de Marie, passe ses nuits sur un tas. Et alors, c'est difficilement vérifiable, mais c'est le cas aussi d'un épisode de la saison 1 qui raconte où la personne raconte que c'est avec l'arrivée d'un ordinateur d'une connexion Internet qu'il y a une plongée radicale dans les théories du complot. Et c'est parce qu'il y a une offre disponible facilement à la demande, gratuite et de manière massive, que ces conversions-là ont été rendues possibles. Et lui, il dit, mais en fait, si Internet n'avait pas été là, en fait, il serait resté un marginal. Mais il ne serait pas allé aussi loin. Et donc voilà, ça c'est, comme tu l'as dit, quelque chose qu'on a pu, un enseignement qu'on peut tirer. Et un troisième enseignement, c'est clairement l'ésotérisme, le New Age comme porte d'entrée. Et moi, je savais, il y a eu plein d'études qui ont été faites là-dessus, qui montrent que le Reiki, toutes ces pratiques-là un peu alternatives qui paraissent un peu anodines et inoffensives au premier abord, sont en fait, pour ces gens-là en tout cas, des portes d'entrée vers le monde du complotisme, mais on va dire une radicalisation un peu plus importante et une radicalisation politique. Là où c'est des thématiques, les soins alternatifs qui ne paraissent pas du tout politisés au départ, en tout cas pour le commun des mortels. Si on me dit naturopathie, Reiki, je ne pense pas tout de suite à Vladimir Poutine et Donald Trump. Et en fait, et à chaque témoignage quasiment qu'on a eu, est revenu le côté New Age, les pierres, etc. Et voilà, et sinon, on a appris plein de choses. Internet. Il y avait aussi en tout cas, de la part des complotistes, en tout cas, ce qu'on a pu. Cette fierté que peuvent avoir certains complotistes à détenir une vérité, enfin une prétendue vérité, que les autres n'auraient pas. Et ça, enfin, c'est un peu le. Aussi c'est un classique, c'est les éveillés contre les moutons, quoi. Et c'est toujours cette espèce de posture supérieure qui est une forme un peu d'ego aussi qui fait qu'il y a cette plongée dans les sphères complotistes. Et c'est vrai qu'on nous pose souvent la question de, en fait, c'est quoi la sociologie du complotiste ? Qui sont les complotistes ? Et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse, c'est très compliqué, il y a des profils très différents. Sociologiquement, ce n'est pas du tout facilement des c'est pas marqué, identifiable. Enfin, on sait pas si la classe sociale est différente. Ouais, mais c'est vrai que nous, on a retrouvé quand même quelques marqueurs au fil des épisodes qui sont que pour chaque personne, chaque histoire qu'elle nous a racontée, il y a toujours un terrain propice. Le terrain propice, ça peut être on est sur une personne qui a toujours été un peu anti-système, on est sur une personne qui, pour le coup, a toujours été intéressée par les médecines alternatives, on est sur, sur ce genre de personnes-là, mais il y a toujours une forme de terrain propice et un événement déclencheur, quelque chose qui va... alors, ça peut être un événement déclencheur personnel, une rupture, des problèmes professionnels, des problèmes économiques, socio-économiques. Ça peut être aussi un élément déclencheur qui est un élément déclencheur extérieur, un événement, le 11 septembre, le Covid, évidemment, qui viennent vraiment sonner un peu comme un déclic. Je vous propose de commencer à vous passer le micro. Il y a un micro qui va arriver, si vous voulez poser des questions, réagir, intervenir. Je crois que vous n'avez pas fait que des portraits d'anonymes. Vous avez fait des portraits de personnalités. Comment vous les avez choisis et pourquoi ? Dans la saison 2, l'idée, c'était aussi d'avoir d'autres points de vue. Parce qu'évidemment, il y a la sphère familiale, amicale, qui peut être bouleversée par le complotisme. Mais on s'est rendu compte aussi, tu t'es rendu compte, parce que c'était ton idée à la base, que d'autres individus pouvaient... des personnalités publiques. Des personnalités, surtout, pouvaient être... impactées également dans leur quotidien. En fait, l'angle de cette série de podcasts, c'est comment le complotisme impacte notre quotidien. Alors, ça peut être quand on est anonyme, mais quand on est une personnalité publique, un médecin, etc., on peut aussi être harcelé sur le part des complotistes. Et donc, la première personne à qui on a pensé, c'est Carine Lacombe. Carine Lacombe, donc, on a beaucoup entendu sur les plateaux télé pendant le Covid, qui est venue faire un travail de pédagogie pour nous expliquer ce qui était en train de collectivement nous arriver. Et en fait, à partir du moment où elle a commencé à dénoncer, par exemple, l'usage de l'hydroxychloroquine que préconisait encore une fois Didier Raoult, eh bien, Carine Lacombe a été la cible de harcèlement et même de violence de la part de la complosphère. Qui dure encore aujourd'hui, hein, par ailleurs. Exactement. Et donc, ça nous paraissait intéressant de montrer qu'aujourd'hui, même le fait d'énoncer des faits, des vérités qui nous paraissent établies, eh bien, des complotistes aujourd'hui disent que ce sont des mensonges. Et par ailleurs, c'était aussi un choix éditorial. À titre personnel, moi, je trouvais que dans la saison 1, on avait un peu fait le tour. On avait beaucoup de témoignages qui, à la fois, étaient très personnels et en même temps, beaucoup qui se recoupaient beaucoup les uns avec les autres. Et donc, on voulait donner une nouvelle coloration à la saison 2. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de donner, pour que les gens puissent aussi s'identifier, de donner la parole à des gens qu'on avait l'habitude de voir dans les médias. Alors, ce n'est pas non plus des superstars, mais c'est quand même des gens qui passent à la télé. Je pense on a fait Ingrid Levavasseur, qui est une ancienne gilet jaune, qui a raconté comment elle avait été victime de ces théories-là. Elle avait été attaquée par des gens de qui elle était proche. On l'avait accusée d'être au service du système, d'être tenue par Macron, etc. Et donc, et on s'était dit que pour... que les gens puissent aussi s'identifier encore plus, on allait donner la parole à ces personnes-là, victimes pour la plupart de cyberharcèlement ou plus. Après, comment on les choisit ? Ce qui était la question de base, et j'y reviens, parce qu'on a un peu dérivé. On avait une liste énorme de gens auxquels on pensait, qu'on aurait adoré avoir dans Réveillez-vous, qu'on a contacté ou non, qui nous ont répondu ou non. Il y en a certains qu'on n'a pas eu, malheureusement, qu'on a assez déçus. Et les personnalités qu'on a pu entendre dans la saison 2, donc Carine Lacombe, Tristan Modeste-France, Ingrid Levavasseur et Thomas Huchon, alors c'est des gens qu'on connaît, pour quelques-uns d'entre eux qu'on connaît bien, on ne voulait pas que les histoires se ressemblent entre elles, c'est pour ça qu'on a fait par exemple Thomas Huchon, on a fait un journaliste, on ne va pas en faire d'autres, puisque c'est à peu près le même vécu. Et on voulait du coup des personnalités qui ont un vécu différent, qui font des choses différentes dans la vie, donc une ancienne gilet jaune, une épidémiologiste, un journaliste, Et j'en oublie. Tristan, qui est chercheur sur le sujet. Ouais, il y a un chercheur, hein, qui est un peu plus. Enfin, on va dire un observateur, on va dire ça comme ça. Bon, il y a l'épisode sur Brigitte Macron, mais elle n'est pas intervenue directement. Ah, on n'a pas. Typiquement, personnalité qu'on aurait pu avoir dans Réveillez-vous, ouais. Qu'on n'aura pas, c'est Brigitte Macron, qui est pour le coup. Alors, je ne sais pas si vous avez tous suivi ce qui se dit sur notre première dame, qui serait en fait un homme, selon les complotistes, voilà, qui serait Jean-Michel Trogneux, etc. Bref, ça fait 5 ans que ça dure, c'est une théorie du complot qui est devenue internationale. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, ça m'intéresserait beaucoup d'entendre ce qu'a à dire Brigitte Macron là-dessus, mais je crois qu'elle ne parlera pas, en tout cas pas maintenant. Voilà, mais il y avait d'autres personnalités auxquelles on pensait, qu'on aimerait bien faire et à qui ça ne s'était pas fait. Quoi. Des interlocuteurs qu'on aurait aussi voulu davantage, c'est ce qu'on appelle les repentis, donc les personnes qui ont été complotistes et qui ne le sont plus. Mais là aussi, c'est très difficile pour le coup de recueillir leurs témoignages. Ça nous est arrivé d'entrer en contact avec des personnes qui nous disaient « voilà, j'ai été soralien, je ne le suis plus ». Mais là aussi, on retrouve la honte. La difficulté de parler de tout ça, de faire un peu cet examen de conscience. Et par exemple, c'est arrivé une ou deux fois, une personne, quand je lui ai dit « bon alors concrètement, à quoi est-ce que vous adhériez ? Quelles étaient vos idées ?» Et là, pour lui, en fait, c'était très difficile de dire concrètement ce qu'il avait pu penser. Parce qu'encore une fois, c'était trop honteux. Donc, c'est des paroles qui sont assez rares. Et c'est pour ça que les deux « repentis » entre guillemets qu'on a eus, ce sont des témoignages assez précieux parce qu'ils ont bien voulu. Ils ont eu, moi, je pense, le courage et le recul de raconter cette histoire. C'est aussi des interlocuteurs, interlocutrices qui ont vécu le complotisme très jeune. Donc ça, c'est aussi très intéressant de découvrir ça, d'entendre ça, qu'en fait, évidemment, la sphère familiale a une énorme influence sur leur trajectoire. Mais c'est d'autant plus inspirant d'entendre que ce sont des gens qui ont réussi à dévier ce chemin qui... Je ne sais pas s'il était tout tracé, mais enfin voilà, l'engrenage était tel qu'ils auraient pu, rester complotistes toute leur vie. Enfin, pourquoi eux ne le sont plus ? Ce qu'on entend, c'est que Julien, en tout cas celui, l'ufologue dont vous parlez, c'est que il y a eu des prises de conscience successives. Pareil pour Gabi, c'est la rencontre avec de nouveaux amis, un futur mari, qui fait que ces gens se sortent du complotisme. Dans quelle mesure dans quelle mesure, voilà, il y a beaucoup de trajectoires comme ça, c'est difficile à dire, mais c'est quand même des histoires vraiment étonnantes et inspirantes. Vous voulez intervenir ? Vous voulez le micro ? Il arrive. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez fait exprès de choisir « Réveillez-vous » comme titre ? Alors, je peux répondre. Ah, c'est toi qui as trouvé le titre. C'était toute une histoire de trouver un titre. C'est pas facile. Il y a eu beaucoup de propositions mises sur la table. Réveillez-vous. Alors, on a choisi ce terme-là pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est vraiment le mantra complotiste qui nous dit « Réveillez-vous, vous êtes des moutons voilà. ». Et dans le générique de la saison 1, il y a même Kim Glow, une influenceuse télé-réalité qui, pendant le Covid, a un peu vrillé et qui hurle sur qui dit « Réveillez-vous, on est manipulés », etc. Donc c'est vraiment, on va dire, une forme de cri de guerre, de cri de ralliement de ce cercle-là. Et nous, on voulait que le « Réveillez-vous » aussi, on pourrait le retourner un peu miroir, quoi. En fait, c'est à vous de vous réveiller. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur le terme réveillez-vous ? On a découvert a posteriori que c'était le nom d'une revue des témoins de Jéhovah. et en fait, ça, on ne l'avait pas calculé, hein, pour tout vous dire, hein, en off. Bon, c'est pas grave. Hein. On espère que, du coup, maintenant, quand les gens taperont réveillez-vous, ils n'iront pas voir les témoins de Jéhovah, mais ils iront chez nous. mais voilà. Donc non, ce n'est pas un clin d'œil aux témoins de Jéhovah. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question, mais en tout cas, c'était surtout parce que c'est vraiment un cri de ralliement chez les complotistes et que nous, on voulait un peu leur retourner l'appareil en leur disant, en fait, vous, réveillez-vous. Et c'est d'ailleurs, dans les premiers témoignages qu'on a eus, ce que les proches racontaient, c'était, mais en fait, j'avais qu'une envie, c'est qu'ils lui mettent de claques et qu'ils se réveillent, quoi, qu'ils sortent de sa léthargie complotiste et qu'ils nous... Et voilà. Mais non, pas de clin d'œil, ni de promo, ni de pub pour les témoins de Jéhovah. Alors, on va passer à une question difficile. Est-ce que vous tenteriez de faire la différence ou des points communs entre le phénomène des sectes et le phénomène du complotisme ? Réponse. Pour moi, il y a clairement des points communs entre les deux. Il y a une forme de religiosité qui est à la fois dans le phénomène sectaire et dans le phénomène complotiste. Il y a des figures de gourou qui sont très claires, des figures charismatiques qu'on peut aller suivre. Et il y a des figures complotistes qui sont également suivies par la MIVILU, monsieur en parlait tout à l'heure, donc l'organe ministériel de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Je pense à Thierry Casnovas, par exemple, qui est un crudivore. Alors, c'est le crudivorisme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de courant, une médecine alternative qui pense qu'on peut tout soigner en mangeant des aliments crus. Bon, spoiler, ça ne marche pas, c'est même dangereux. Et il se trouve que cette personne-là est suivie par la MIVILU et qu'il a fait objet de nombreuses saisines pour des dérives sectaires. Et donc, il y a des passerelles communes entre ces mouvements-là. Il y a des mouvements complotistes qui ont une tendance sectaire. Il y a aussi des mouvements sectaires qui utilisent le complotisme pour séduire des adeptes. Parce que pour couper quelqu'un du monde, pour le couper de ses proches, pour le couper du monde extérieur, il n'y a rien de plus efficace que lui dire que le gouvernement nous ment, que les États nous mentent, que l'OMS veut nous empoisonner, que, voilà, que les vaccins, c'est pas bien, etc. Donc, il y a dans la rhétorique, parfois, des mouvements sectaires, il y a une dimension complotiste. Après, il ne faut pas non plus tout réduire à ça. Et il y a des influenceurs complotistes qui ne sont pas des gourous. Il y en a plein, évidemment. Et les gens qui sont complotistes ne sont pas tous des adeptes de secte, tous. Mais dans la manière de s'attacher à certaines figures qui sont parfois vues comme des figures christiques, je pense la figure de Donald Trump, par exemple, dans certains cercles complotistes, notamment les cercles QAnon, est vraiment vue comme mais c'est Jésus, quoi. C'est leur Jésus à eux. Et ils le voient même dans l'iconographie canon, il est représenté sous des traits qui sont des traits divins. Et donc il y a vraiment une fascination pour le personnage et il opère une forme de... il le fait pas, je ne sais pas si c'est conscient, mais une forme d'emprise aussi sur les adeptes. Et l'emprise, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les terrains complotistes. L'emprise, elle peut aussi être financière. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des gens qui nous vendent des conférences hors de prix, qui nous vendent des livres, qui nous vendent des t-shirts, des mugs, plein de choses, plein de produits dérivés, parfois très chers pour ce que c'est, et qui profitent d'un public qui est plus facilement capable de mettre la main à la poche. La crypto-monnaie aussi. Oui, alors Dieudonné avait sa crypto-monnaie. Dieudonné a, par exemple, pour le coup, tenté plein de commerces. Il a fait des cercueils, il a voulu commercialiser des cercueils, il a voulu faire des masques pendant le Covid, il a voulu faire une société d'assurance, il a voulu faire une crypto-monnaie. Et donc, c'est autant de moyens, le plus de moyens possible, en fait, pour soutirer de l'argent à ses fans. Donc là-dessus, il y a des phénomènes qui sont similaires à celui des sectes, où on sait très bien que les adeptes ont tendance à se délester de leur compte en banque de manière assez facile, quoi, en quelque sorte. Je me demandais ce que vous nous prépariez pour la suite. Ah. Nous, là on se pose la question de la suite, puisqu'on n'a pas de témoignage prévu, par exemple, pour la suite de la saison 2. On a envie de continuer de proposer un format axé sur le témoignage et sur quelque chose à taille humaine, on va dire, à échelle humaine. Donc pas de faire un podcast, on va dire, académique. On se posait la question de faire éventuellement évoluer Réveillez-vous vers une forme de série documentaire où on s'intéresserait à un sujet spécifique dans lequel on donnerait la parole à la fois à des chercheurs, à des gens de la société civile, mais aussi à des gens concernés. Donc on devrait... Parce qu'en fait, on ne voudrait pas abandonner la parole intime. Ça nous paraît un peu l'ADN du podcast. Et donc, c'est vraiment l'enjeu de trouver comment faire évoluer, raconter d'autres histoires qu'on n'a pas encore entendues, parce que on parlait du fait qu'on entendait beaucoup d'histoires sur le Covid, et c'est hyper fondateur, hein, ça raconte vraiment quelque chose. Mais comment faire évoluer ces récits tout en sacrifiant pas la parole de l'intime qui est, donc, comme je le disais, l'ADN du podcast. On réfléchit, ça pourrait être la solution de trouver des histoires au croisement de l'histoire individuelle et plus collective, raconter plus un mouvement, ça pourrait être une piste. Mais on ne va pas vous dire ce à quoi on pense, sinon on va vous spoiler. Mais c'est vrai qu'on est aussi très tributaire des témoignages qu'on reçoit. Il se trouve que on a quand même fait 17 épisodes aujourd'hui, qu'il y a des témoignages qu'on a mis de côté parce qu'on les a déjà écoutés, en fait ils reprennent beaucoup de ce qu'on a déjà pu entendre, donc on est aussi tributaire de ce que les gens nous envoient et de ce qu'ils veulent bien nous envoyer, des histoires qu'ils ont à nous raconter. Mais c'est pour ça que le podcast n'est pas si régulier que ça, c'est-à-dire on a été parti sur un épisode tous les mois et demi, tous les mois, et on est à la fois tributaire du coup des emplois du temps de telle ou telle personne quand on veut faire des personnalités, et puis aussi des témoignages anonymes. En fait, on n'a pas un stock d'histoires illimitées non plus à raconter. On ne veut pas non plus faire un podcast pour faire un podcast. On veut que chaque épisode ait une valeur ajoutée qui soit intéressante. Donc j'invite les gens qui sont dans la salle et ceux qui vont écouter cette retransmission, s'ils se sentent concernés, s'ils le sentent, de venir nous raconter leur histoire, ne serait-ce déjà que par mail. Mais c'est nous, ça nous aide aussi à produire des épisodes et à imaginer ce à quoi va ressembler la suite et l'éventuelle troisième saison de Réveillez-vous. Victor et Louise, avant de conclure cette rencontre, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, on a un peu dit là à l'instant, c'est venez nous, si vous écoutez cette conférence et que vous vous sentez concerné par ce qu'on raconte, par les témoignages qui vous sont proposés ou qui ont été proposés dans les deux saisons de Réveillez-vous, venez nous contacter, venez nous poser vos questions, pas forcément pour témoigner, mais juste ne serait-ce que pour raconter votre vécu, votre expérience. N'ayez pas peur de venir nous contacter par mail ou sur nos réseaux sociaux respectifs. Oui, vous avez le droit aussi de nous poser des questions. Comment on travaille, ce qu'on fait, quel est le but, encore une fois, de tous ces podcasts. Je pense que c'est important, enfin, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'expliquer son travail. Surtout quand, encore une fois, on peut ressentir de la méfiance à l'égard des médias. Donc, les témoins éventuels, futurs, peuvent être sûrs qu'on répondra à toutes leurs questions. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, merci à vous d'être venus à leur rencontre. Et puis, bonne soirée à toutes et à tous. Vous venez d'écouter Réveillez-vous. Merci à Raphaël Casadessus pour cette rencontre organisée à la médiathèque Virginia Woolf à Paris. Si vous aussi, vous avez des envies, des idées pour les prochains épisodes du podcast, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante lepodcast.réveillez-vous@gmail.com et on se fera un plaisir de vous lire. À bientôt.